Vous êtes sur le point d'être témoin des pensées d'un homme perdu. Perdu comme la majeure partie d'entre nous. Essayant en vain de se retrouver. Errant entre les deux rives de la ville lumière. Courant après le temps et l'argent, sans même s'en rendre compte. Rive droite.